Le soir est triste, mon cœur est triste, ma vie est triste. Y'a le soleil qui s'est enfui et mon amour qui est parti avec lui. Le ciel s'envoile, est plein d'étoiles qui me dévoile qu'elle est heureuse loin de moi et qu'elle ne pense plus à moi, loin de moi. Prions qu'elle revienne un jour pour toujours. Cette musique mélancolique, cette musique, je l'envoie par le vent du soir à celle que j'aimerais revoir.